prend des fois, faut blesser. Moi ouais, j'ai tout donné, ouais, ouais, ouais, j'ai tout donné. Moi ouais, j'ai tout donné, j'ai plus rien à vous donner. Moi ouais, j'ai tout donné, moi ouais, j'ai tout donné. Tout j'ai tout donné, j'ai plus rien à vous donner. Pas de la farine, ça m'aide fort, fort dans le nez. Ah, ça va vite, ça capture, ça publie sur le net. Ah, ça va vite, nouveau style, ils savent plus où se mettre. Ah, ça va vite, disque d'or et disque de planète. Ne me fais pas l'intéressant, je sais que tu es intéressé. Et arrête de m'appeler le sang, pour lui faire un AVC. J'suis avec une mignonne à bord, j'mange les l'œil quand j'suis passé. Pendant que tu parles sur mon dos, moi j'oublie et j'me fais masser. On va pas s'entendre si tu veux que j'te dise à tout oui. D'ailleurs tu vas un peu attendre pour ton sac Louis. Jusqu'ici tout va bene, bene, bene. Jusqu'ici tout va bene, bene, bene. J'ai trahi la cosa, tu te feras fumer sûrement. Fais le PDH si tu veux, mais ne donne pas de go. T'as fait 2-3 points, tu vas chez Gucci. Mais s'il y a une guerre, t'as pas les outils. J'manque à faire des hits avec ou sans clip. Dis-leur que j'suis pas un clean, j'suis l'assassin MDMJ. J'fais du sale, du givre. Reste où t'es petit, tu le fais mal, tu m'imites. Ah, ouais, j'ai tout donné, ouais, ouais, ouais, j'ai tout donné. Ouais, j'ai tout donné, j'ai plus rien à vous donner. Ouais, j'ai tout donné, ouais, j'ai tout donné. Tout, j'ai tout donné, j'ai plus rien à vous donner. Nous et la rue, on est marié. Mon équipe, elle parle pas taille. On est à l'heure. Ils dorment, on fait de la maille. Un pote nous chuchote à l'oreille, on veut du mal. Gagné.